On sourit, l'après-midi continue avec Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Où fabrique-t-on des armes en France? Où trouver les usines et les milliers de salariés? Évidemment, si nous avions écouté les communicants, nous ne serions pas allés bien loin. Car cette industrie bien française, aussi florissante que le luxe et la gastronomie, est beaucoup plus cachotière. Cette semaine, Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Mais quand il s'agit de filmer chez Thales, Safran, Nexter ou MBDA, ces industriels qui produisent bombes, canons et munitions vendus au monde entier, c'est une toute autre affaire. Tu emmènes dans les usines, non ? Dans les usines, c'est, vous voyez, un missile qui est en train d'être fabriqué. On peut pas vous laisser, on peut pas montrer ça. Donc, imaginez, non. Le seul endroit où vous serez autorisé à aller, c'est la cafétéria et encore, voilà. Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais ce n'est pas chez nous, mes frères. Chez nous, il y a des États. États ? Qu'est-ce cela ? Allons, ouvrez les oreilles. Je vais vous parler de la mort des peuples. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement, et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. C'est le début du chapitre intitulé « De la nouvelle idole » d'un livre pour tous et pour personne, plus connu sous le nom de « Ainsi parlait Zarathoustra » d'un certain philosophe allemand. « Ainsi parlait Zarathoustra », j'ai choisi cet extrait-là parce que il m'a semblé que Nietzsche et sa formule désormais célèbre du monstre froid était parfaitement adapté à votre documentaire « Mon pays fabrique des armes », Anne Poiret, que vous réalisez en 2018. Contrairement à ce que j'avançais bien imprudemment cet an dernier, Anne Poiret, notre invitée de la semaine, s'intéresse à ce qui se passe, non pas forcément en bas de chez elle, mais pas très loin. Là, elle va mettre les pieds dans le plat, ou plus exactement interroger un paradoxe. Comment un pays véritablement professionnel des droits de l'homme, à savoir son hexagone, est en même temps grand fabricant et grand vendeur d'armes. Alors, s'agit-il du beurre et de l'argent du beurre, d'un état schizophrénique, ou alors de l'état ordinaire d'un monstre froid, comme évoqué avant par Nietzsche dans Zarathoustra? Je vous pose la question. Un peu des deux, j'imagine. C'est avant tout pendant des années un tabou, j'ai l'impression, en France. Enfin, il y a cette espèce d'idée que on sait tous qu'on est fabricant, que notre pays fabrique des armes, mais on ne sait pas très bien où, on ne sait pas très bien comment, on ne sait pas très bien, sauf si on travaille dans cette industrie, où sont les usines, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fabrique vraiment. Et il y a, je pense, cette espèce d'impensé chez beaucoup de Français, de cet espace entre cette volonté de porter les droits de l'homme et en même temps d'armer le monde et d'être devenu le troisième pays exportateur d'armement. Moi, cette envie, elle est née de ce film, de plusieurs conversations que j'ai eues en tournage, en Libye, au Yémen, en Irak, avec des gens qui m'ont vraiment prise à partie en tant que Française, en me disant que vraiment ces discours sur les droits de l'homme, c'était quand même vraiment gonflé, vu ce qu'on leur avait vendu et vu ce qui traînait dans leur pays aujourd'hui. C'est particulièrement vrai pour la Libye, qui est un pays ravagé par les armes, pas forcément celles qu'on leur a vendues pour le coup, parce que c'est des armes de petit calibre, mais voilà, cette idée que comment on pouvait être à ce point hypocrite et comment c'était possible, ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'a surprise parce que je n'avais pas moi-même conscience de l'épaisseur du dossier. De l'épaisseur du dossier. On sait bien, c'est présent. On sait bien que voilà, Matra, Lagardère, qui a été un de mes employeurs à un moment chez Maximal, que Le Figaro, Dassault, tout ça. Mais c'est très confus, en fait. Et puis, on sait aussi qu'a priori, on n'aura rien, quoi. Que personne va nous parler, qu'on n'aura pas pouvoir rentrer dans les usines comme ça. Bon. Et je me suis dit, en fait, peut-être il faut essayer quand même de passer par les usines et passer par les territoires où ces usines sont implantées, où les gens là parlent, parce que... Histoire de se simplifier la vie, bien sûr. Voilà, et puis surtout, parce que, en fait, il y a quand même quelque chose qui s'est noué sous Hollande, où la France s'est mise à vendre, est vraiment devenue notre troisième exportateur. On a toujours été assez bon, mais là, on est vraiment devenu très très bon. Et ça s'est fait sous un président socialiste, donc c'était pas forcément... ça coulait pas de source, quoi. Et pendant toute sa mandature, les communiqués à chaque grande vente d'armes, notamment au moment des grands contrats Rafale, ça commençait par cette industrie. C'est une formidable nouvelle pour cette industrie qui emploie à l'époque 165 000 personnes. Ah ben très bien, qui sont ces gens? Allons les voir. Si notre politique étrangère dépend de ces emplois-là, il faut les connaître, faut savoir pourquoi, où est-ce qu'ils sont employés, qu'est-ce que ça leur fait, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ça se passe pour eux, quoi. Donc voilà, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'aller dans les régions françaises où on fabrique des armes et de comprendre comment les gens se l'approprient, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc ça, c'est ce que vous dites à votre producteur, qui vous dit bah voyons ma chérie, t'es pas la première à penser ça, comment penses-tu y arriver, et si jamais il vous dit bon banco, il va falloir aller voir la chaîne qui va vous dire oui on va vous faire tout de suite le chèque pour que... Alors le producteur, ça a été un déjeuner, donc maintenant il y a assez longtemps, qui a été assez fascinant et qui était la démonstration de de la problématique de l'armement et de ces industries. C'est que lui-même est originaire de Bourges, où on tourne d'ailleurs dans le film, une bonne partie du doc est tournée là-bas, dans les usines qui est au centre de la France, qui est un centre de production notamment de munitions avec Nexter et MBDA. MBDA, c'est le premier missilier d'Europe. Nexter, il fabrique des canons César et les munitions juste à côté. Il a grandi là-bas et il n'avait jamais pris conscience de ce que sa région fabriquait. C'est-à-dire que MBDA, il était passé tous les jours de son enfance devant, il ne s'était jamais posé la question. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évitement comme ça. Voilà, il y a quelque chose d'un peu impensé. C'est-à-dire que c'est là, mais on se pose pas... et tout est fait un peu pour qu'on évite cette question. Donc l'idée, lui, effectivement, le producteur était très, très emballé par cette idée. On a beaucoup travaillé ensemble en amont. Il m'a accompagné en repérage. On a été rencontré pas mal de gens pour faire justement ce dossier, pour essayer de convaincre une chaîne. Et puis France 5, d'abord on a essuyé beaucoup de refus, mais France 5 a fini par y aller en nous disant, vous pouvez pas vous contenter des ouvriers, des maires, des villages, il faut que vous interrogiez l'appareil d'État, parce qu'évidemment c'est eux qui sont déciseurs. Et je ne pense pas qu'ils avaient imaginé le blocage qu'on aurait et le mur de silence. C'est-à-dire qu'autant en région, dans les territoires, on a pu discuter avec des syndicats, des maires, des retraités. Il y a quand même un industriel qui nous a laissé rentrer tout de suite. Dassault a fini par nous ouvrir ses portes au bout de 7 mois. Donc on a quand même eu un petit quelque chose à filmer. Autant l'État, l'appareil d'État, qui en France... Parce qu'en France, il est en fait sur le papier interdit de vendre des armes. C'est un régime d'exception, donc il faut obtenir une licence. Et cette licence est donnée vraiment par les plus hautes instances de l'État. C'est une commission qui s'appelle la CIEMJ, où siège le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, le ministère de la Défense et un certain nombre d'autres acteurs qui décident ensemble si oui ou non on accorde une licence pour cet objet précis à ce pays donné. Et toutes ces discussions-là, qui auraient été absolument passionnantes de filmer, même s'il ne s'agit pas de révéler, évidemment, les matériaux exacts, les pays exacts, hein, il aurait été intéressant de voir comment se prennent ces décisions. Cet endroit, non seulement le patron de le SGDSN de l'époque, qui siège, qui est le responsable de ces sièges, qui préside ces sièges et ces discussions, mais même les lieux, même la salle nous a été interdite. C'est-à-dire que les discussions qui se passent au moment de la commission, quand elles se tiennent, sont couvertes par le confidentiel défense. Donc, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Il y a vraiment cette chose qui est très particulière à cette industrie, c'est-à-dire que les gens sont bloqués par ce secret défense, ce confidentiel défense. Vous imaginiez plus de transparence? On imaginait qu'on aurait un peu de au moins de langue de bois, au moins de quelqu'un avec qui on pourrait discuter. Mais en fait, j'imagine que ils ont pas. Le moment où on fait le film est un moment, enfin après 2014, est un moment très particulier parce que Hollande, donc et notamment le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, n'a jamais vendu autant d'armes pour la France. Et dans le même temps, on a signé un traité qui s'appelle le traité pour le commerce des armes, qui nous interdit de vendre des armes à des pays s'il y a un risque de commission de crimes de guerre ou que ces armes puissent être retournées contre les populations civiles de ce pays. Ça dupliquait à peu près la position commune européenne qui a déjà été négociée en 2008, qui est à peu près la même chose. Et évidemment, pour la France, c'est un petit peu compliqué d'expliquer comment on s'y prend, puisque nos deux principaux clients ces deux dernières années sont l'Égypte et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, depuis 2015, est en guerre au Yémen. Elle est régulièrement accusée de commettre des crimes de guerre contre la population. L'Égypte est mise en cause, notamment pour des disparitions forcées, pour les droits de l'homme dans le pays qui, depuis l'arrivée du maréchal Sissi, vit pour les droits de l'homme, sur la question des droits de l'homme, une descente aux enfers. Et dans le même temps est devenu notre premier client. Donc il y a évidemment des questions très dérangeantes qui se posent et auxquelles que ce soit les gouvernements Hollande ou aujourd'hui le gouvernement d'Edouard Philippe et depuis Macron ne veulent pas répondre, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas discuter. Allô ? Allô ? Oui. Ah oui, alors j'ai reçu votre document de Mérignac à Bourges, j'en pars sans cher pour Paris. Malheureusement, on ne pouvait pas avoir d'autorisation de tournage, tout simplement parce que les prises de vue sont strictement interdites sur le site. Mais je vous cache pas que tourner aujourd'hui dans les ateliers, je vais demander, hein, mais je le sens pas. Où fabrique-t-on des armes en France? Où trouver les usines et les milliers de salariés? Évidemment, si nous avions écouté les communicants, nous ne serions pas allés bien loin. Car cette industrie bien française, aussi florissante que le luxe et la gastronomie, est beaucoup plus cachotière. Mais quand il s'agit de filmer chez Thales, Safran, Nexter ou MBDA, ces industriels qui produisent bombes, canons et munitions vendus au monde entier, c'est une toute autre affaire. Ah non, tourner dans les usines, non. Enfin, imaginez, nos usines, c'est, vous voyez, un missile qui est en train d'être fabriqué. On peut pas montrer ça. Donc, imaginez, non. Le seul endroit où vous serez autorisé à aller, c'est la cafétéria et encore, voilà. Il y a certains qui nous disent, mais est-ce qu'il faut exporter des armes? C'est un sujet que je comprends. Est-ce que c'est bien notre rôle de vendre des armes? Oui, c'est notre rôle. Parce que si nous ne vendions pas un certain nombre de matériel, le risque, c'est que d'autres le fassent à notre place. Alors, vive MBDA, vive la République, vive la France, et grand espoir pour Bourges et le Cher. Merci. Pourtant, de cette grande fierté, de ces grands succès, François Hollande ne veut plus parler. Le sujet ça ne lui plaît pas, mais c'est que voilà, l'industrie de l'armement, c'est un sujet sur lequel il préfère pas s'exprimer. Voilà. Le président François Hollande, plus que tout autre avant lui, a vendu des armes, multipliant par 4 le montant des commandes. Un extrait de « Mon pays fabrique des armes », documentaire réalisé en 2018. Suite de l'entretien avec Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Ce qui a été très très fascinant, c'est que le film est sorti maintenant il y a un an, en octobre 2018, en pleine affaire Khashoggi. Donc là, tout d'un coup, le monde s'est aperçu de ce qu'était l'Arabie Saoudite, ce qu'était cet allié pour beaucoup, des méthodes dans lesquelles ils étaient. Parce qu'au-delà de l'assassinat, ce qui a été très frappant dans les premiers jours, c'est les mensonges qui se sont succédés jour après jour. C'était un mensonge en suivant un autre. Et ce qui a été très fascinant pour moi, et j'en parle beaucoup dans le livre qui est donc sorti en avril aux arènes, c'est cette espèce de silence total. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat public, les parlementaires en débattent très très peu, la commission d'enquête qui a été demandée par certains parlementaires ne va nulle part. Et à ce moment-là, au moment de l'affaire Khashoggi, au moment d'octobre, là c'est-à-dire que tout le monde se met à se poser la question dans toute l'Europe. Merkel demande un embargo, qu'on arrête, que ses alliés européens arrêtent de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Enfin, il y a un débat qui se crée. Et en France, on assiste à ce que vous disiez, les mensonges de l'État, à des gouvernants, que ce soit le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, ou la ministre des Armées, qui mentent sur des choses mais vraiment basiques et qui sont tellement faciles à démontrer. Par exemple, 10 jours après le meurtre de Jamal Khashoggi, le président de la République, Emmanuel Macron, est interrogé sur ce grand client saoudien. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce grand client pour les ventes d'armes? Il lui dit, je vous arrête tout de suite, l'Arabie Saoudite n'est pas un grand client de la France en aucune matière que ce soit. Je veux dire, c'est leur propre service qui sort un rapport parlementaire chaque année, où il y a l'état des livraisons et des commandes. Et des... C'est le premier, le deuxième et le quatrième client pour, en fonction des licences. Et pendant des années, ça a été notre principal client pour l'armement français. Donc, pourquoi ces mensonges ? Le TCA, le traité contre les armements, il est signé quand, de mémoire ? Il est ratifié en 2014 par la France. Donc bien avant votre tournage. Bien avant mon tournage. Mais en fait, les questions commencent à se poser parce que des ONG en Europe, d'abord en Angleterre, qui est un très gros producteur d'armes, et notamment pour l'Arabie Saoudite, hein, ils leur vendent des avions de combat et de nombreuses munitions et de nombreuses bombes qu'on retrouve sur des sites de crimes de guerre. Ont engagé des procédures justement en s'appuyant alors sur le traité mais aussi sur en fait ils partent du principe qu'il y aura pas de débat, que tout est fait pour éteindre le débat, que les populations ne s'intéressent pas à ces questions et que d'un point de vue d'organisation étatique tout est fait pour l'éteindre, donc il faut les prendre par le biais de la justice. Et du coup, ils engagent à peu près au même moment. Alors en France, ça a pas démarré, mais beaucoup d'organisations comme Amnesty réfléchissent à ça. C'est vraiment une approche juridique. Mais en Angleterre, il y a eu tout un parcours judiciaire comme ça pour essayer de dire voilà, vous ne respectez pas vos propres textes en fait. Vous vendez des armes à des pays qui ça enfreint des textes que vous êtes des obligations que vous êtes vous-même posées. Une personnalité du Quai d'Orsay m'avait expliqué comme ça que il y a des choses dans un État qu'il ne faut pas regarder, et qu'il ne faut pas regarder de près, qu'il ne faut pas mettre en lumière, qu'on ne peut pas mettre en lumière, et que l'armement est un de ces points, et c'est probablement le principal point obscur de la République, et qui doit le rester. Parce que, voilà, on ne peut pas être à la fois un pays qui défend les droits des hommes, qui porte les droits de l'homme par son armée, et donc il y a besoin d'une armée forte avec un armement indépendant, notre indépendance stratégique, c'est toujours ça qui est mis en avant par le gouvernement. Depuis De Gaulle. Et pour les valeurs, pour défendre ces valeurs universelles, et ben pour que ce soit rentable, parce que finalement nous n'avons plus les moyens d'avoir cette armée et cette industrie uniquement pour nous, et depuis déjà longtemps, mais particulièrement maintenant, et comme on ne peut pas avoir ce débat et que le budget n'est pas extensible et de plus en plus contraint, eh ben, il faut bien trouver l'argent ailleurs, qu'il n'y a pas 15 clients. Donc, il faut vendre des armes à des pays qui ne respectent pas ce droit international ou ces droits humains, et qu'il faut se boucher un peu le nez, parce que sinon, la France n'est plus la France. Et ça, évidemment, il y a une contradiction profonde, en fait, dans cette perspective. Si les ONG, comme celle d'Emeric et Luin, cherchent à savoir précisément ce que les armes vendues par la France deviennent, c'est qu'il existe depuis fin 2014 un traité sur le commerce des armes, le TCA. Une avancée historique pour les ONG, obtenue après plus de 20 ans de débats, et censée mettre des limites aux ventes d'armes. Ce traité explique si un État a connaissance au moment de l'autorisation d'exporter que les armes pourraient servir à commettre des crimes de guerre ou un crime de génocide, on ne doit pas exporter. On n'est plus dans la phase d'après avec les embargos. Les embargos en général interviennent beaucoup trop tard. Ils interviennent à partir du moment où on a constaté les dégâts commis par les armes, la commission de crimes de guerre, de torture, de disparition forcée, etc. Et là, on est plutôt dans la prévention. Donc avant que les actes illégaux n'arrivent, ne soit produit par les armes. Donc c'est un moyen, parmi d'autres instruments disponibles au sein des Nations Unies et ailleurs, de contribuer à la paix et à la sécurité, finalement, quoi. Et de préserver des vies. 130 pays à ce jour ont signé le traité, dont la France et le Royaume-Uni. Ce jour-là, la guerre au Yémen s'invite à l'ouverture de la conférence. C'est Radia Al-Mutawakkel, qui dirige une organisation de défense des droits de l'homme au Yémen, qui a été choisi pour s'exprimer au nom de la société civile. Vous ne savez peut-être pas grand-chose des victimes civiles, de ce qui est en train d'arriver aux Yéménites, de l'horreur quotidienne de cette guerre. Malheureusement, beaucoup de Yéménites ont, eux, appris à connaître vos pays à travers les armes qui ont détruit leurs maisons et tué leurs familles. Il est choquant que 19 États qui ont signé ce traité, dont 3 qui l'ont ratifié, aient quand même décidé de vendre et de livrer des armes à l'Arabie Saoudite depuis que cette guerre a éclaté. J'appelle tous les États à cesser immédiatement de livrer toute arme susceptible d'être utilisée par les parties au conflit. Merci. Un extrait de « Mon pays, Fabrique des armes, documentaire réalisé en 2018. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. J'ai une question à vous poser parce que vous avez interrogé dans l'enquête locale, celle qui se passe à Bourges, un de ceux qui travaillent à la construction des avions. Avions qui n'ont pas encore, à l'endroit où vous les filmez, une quelconque arme. Et vous posez la question à celui qui se trouve à bord du cockpit. Vous avez un avis sur les pays auxquels on vend ? Sur le Qatar ou l'Égypte ? Bien sûr, je suis un ancien militaire, donc chacun a son opinion. Hein. Voilà. Bon, on n'en saura pas plus. Non. Alors, la scène est à Etchi Dassault, à près de Bordeaux, à Mérignac. Évidemment, c'est d'ailleurs ce que très justement m'avait demandé la chaîne. Évidemment que c'est pas eux qui décident. Mais d'abord, il y a des questions de responsabilité individuelle. Donc, ils ont quand même le droit de réfléchir. De ils ont le droit de penser et ils le font. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et surtout, et je pense qu'on le souligne dans le documentaire. C'est des territoires qui sont extrêmement fragilisés. Vous avez un plan où il y a deux bistrots l'un à côté de l'autre, fermés sans doute depuis... À Bourges, oui, c'est à Bourges, il n'y a que ça. Et c'est-à-dire qu'un ancien militaire nous dit, il n'y a pas de contestation parce qu'il n'y a que ça comme emploi. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Donc ça il faut en être... il ne s'agit pas... Et puis, de toute façon, il s'agit d'accuser, évidemment, de ne pas les accuser. Enfin, je ne pense pas que le ton soit... Mais de raconter. C'est ça. Mais il faut montrer que quand même... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir d'autres emplois. Et ce sont des il faut le souligner, des industries qui offrent de bons emplois dans des conditions tout à fait satisfaisantes, qui embauchent. Ce sont les rares industries en France qui embauchent, mais il n'est quand même pas interdit de se poser des questions et d'interroger sans être un procureur, mais évidemment, mais de savoir ce que ces gens en pensent et qu'est-ce que ça leur fait. Comment s'explique l'incroyable réussite du ministre Le Drian à l'époque, dont vous rappelez dans votre tournage, puisqu'il est à cheval sur... deux présidents, Hollande et Macron après, lequel Le Drian étant l'un des rares à avoir préservé en tout cas une carte ministérielle, il est passé de la Défense au Quai d'Orsay. Alors les gens, autour de Le Drian a été constitué pendant les années Hollande ce qu'ils ont appelé une équipe France, c'est-à-dire que très vite ils ont que des Bretons. Non. Mais ils ont compris que pour équilibrer la loi de programmation militaire, il fallait un apport extérieur et donc cet apport serait ce que personne n'avait réussi à faire encore, c'est-à-dire d'abord l'armement et ensuite vendre le Rafale. Je précise que j'ai eu, malheureusement, malgré mes demandes répétées, très longuement répétées et renouvelées, y compris encore quelques semaines avant la fin du bouclage de mon livre, demandé des interviews avec Jean-Yves Le Drian que je n'ai jamais pu avoir. Mais autour de lui et autour de Hollande et autour de Jean Mercayrou et même Jean Mercayrou lui-même, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, m'ont parlé en off. Hérou, il a fini par me parler en in, mais ils m'ont parlé en off. Donc j'ai pu avoir, comprendre tout le fonctionnement de cette équipe France. Eux, ils vous diront, on a réussi à vendre le Rafale et à doubler les ventes parce qu'on a été très bon. D'autres vous diront, il y a eu un contexte mondial, il y a eu un retrait américain, il y a eu sous Obama et notamment avec l'Égypte. C'est très très intéressant l'Égypte. L'Égypte, avant que Hollande arrive au pouvoir, c'est notre 23e client, quelque chose comme ça, quand il en part, et encore aujourd'hui, c'est notre premier client, c'est notre principal client en termes de livraison. Et ça correspond au moment où Sisi est arrivé au pouvoir, à l'issue d'un été qui a été extrêmement violent entre les frères musulmans et l'armée, et partisans et qui s'est soldé par un massacre absolument épouvantable au Caire en août, à l'issue duquel les Américains ont dit l'aide militaire qu'on vous loue, qui sont des dons qu'on vous fait chaque année en termes qui se chiffrent en milliards, on va se faire une petite pause parce que là les droits de l'homme ça commence à être un petit problème quand même. Et à ce moment-là, l'industrie française s'engouffre. C'est-à-dire que nous on voit ça en France et le gouvernement voit ça comme une opportunité. Et donc on se met à vendre à ce moment-là des choses. Évidemment, Cécile, il a besoin de trouver une alternative à l'industrie américaine et il y a nous. On fait de l'armement qui est assez bon et donc il se dit que c'est une façon de contourner un peu le problème américain. On se met à vendre le Rafale et à la suite de quoi l'équipe France réussit à le vendre au Qatar et à l'Inde. On vend pas qu'un avion quand on vend le Rafale, on vend l'armement qui va avec, on vend les systèmes, on vend l'électronique, on vend les munitions, voilà. Et ça embarque toute l'industrie. Donc il y a ça. Et puis il y a un contexte de réarmement mondial dans lequel on a une responsabilité. Dans quelle mesure, ça sera peut-être la conclusion d'aujourd'hui, la France fait véritablement, semble-t-il, dans votre documentaire, figure d'exception à l'égard des autres pays, en tout cas des pays signataires du TCA, en tout cas sur la zone européenne. Alors, c'est historiquement cette notion du secret défense qui. Ce qui est très particulier à la France. D'abord, il faut quand même signaler que le traité pour le commerce des armes, parce que c'est un traité qui au départ est là pour encadrer le commerce. Un traité onusien. Onusien, qui a été négocié de haute lutte avec les ONG. Les Américains l'ont signé, mais ils ne l'ont pas ratifié. Les Russes ne l'ont pas signé. Israël ne l'a pas signé. Les grands vendeurs d'armes ne l'ont pas signé. Donc la France. On peut lui reconnaître ça, elle a signé ce traité. Le Royaume-Uni et l'Allemagne qui ont signé ce traité et qui ont le même genre de problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'Arabie Saoudite qui est cet énorme client, c'est un des principaux, si ce n'est le principal acheteur d'armes mondiales, avec la guerre au Yémen et les crimes de guerre et leur conduite de la guerre qui était extrêmement problématique, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui est très très particulier à la France, c'est qu'il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat public, les parlementaires... Au contraire des deux autres pays. Voilà, alors évidemment, au Quai d'Orsay, ils vous disent, non mais attendez, certes, en Angleterre, au Royaume-Uni, ils débattent, mais enfin, ils font pire que nous, puisqu'ils vendent des jets et des munitions qui tombent sur les populations yéménites. Ce qui est un petit peu malhonnête, parce qu'en réalité, on aimerait bien leur vendre la même chose aux Saoudiens, mais ils n'achètent pas français pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des chasses gardées en Arabie Saoudite, on ne vend pas, on ne vendra jamais un Rafale en Arabie Saoudite. C'est pas parce qu'on le veut pas, parce qu'on a des états d'âme, c'est parce qu'on ne pourra pas. C'est une chasse gardée anglo-américaine. Donc, il y a une forme de malhonnêteté des gouvernants. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que non seulement il n'y a pas de débat public en France, mais il y a un débat au sein de l'administration qui est couvert souvent par le secret défense. Donc on ne peut pas en faire état si ce n'est en grattant des choses avec des sources anonymes et des documents classifiés avec tout ce que ça comporte de problématiques. Mais il y a des vrais débats. C'est-à-dire qu'il y a souvent le Quai d'Orsay qui s'oppose à la défense en disant non, quand même, on a signé des traités, on ne peut pas faire ça. Donc, évidemment, mais ça peut être par le passé. Voilà. Vu que le nouveau ministre... Voilà, parce qu'évidemment, maintenant, comme Le Drian est au Quai d'Orsay, cette voix du Quai d'Orsay continue à s'exprimer d'une certaine façon, mais ne porte plus. Anne Poiret, c'est déjà la fin de cette troisième émission. Mais réjouissons-nous, on se retrouvera demain. À demain, il sera question d'un autre documentaire. Bienvenue aux réfugistes. Demain, suite de nos entretiens avec Anne Poiret, il y sera question, entre autres, d'un autre documentaire d'Anne Poiret, Bienvenue aux réfugistes.